Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire. Anne, la maison au pignon vert. L'histoire derrière ce classique de la littérature canadienne-anglaise. What do you call it? Oh, just a house. What would you think if I gave it a new name? Something that would sound more euphonious. Now, let me see. Gables, and they're green. Green Gables. Extrait du film Green Gables, réalisé en 1934 par George Nichols Jr. On y entend le personnage d'Anne qui décide d'appeler sa nouvelle maison la maison au pignon vert. Anne, la maison au pignon vert deviendra l'un des plus grands classiques de la littérature canadienne-anglaise. Son auteur, Lucy Maud Montgomery, mourait il y a 75 ans aujourd'hui. Voici donc en rediffusion notre émission sur Anne, la maison au pignon vert. Elle n'est pas seulement la première maison la plus visitée au Canada, mais aussi la cinquième en Amérique du Nord. Je vous nomme les quatre premières en Amérique du Nord. Premièrement, la Maison Blanche avec plus d'un million de visiteurs. Mm-hmm. La Maison George Washington. La Maison de M. William Randolph Hearst en Californie. En quatrième place, la Maison d'Elvis Presley, le King, bien sûr, à Memphis, avec 650 000 visiteurs. Et tout de suite après, Anne des Pignons Verts. Avec 305 000 visiteurs. Vous avez peut-être reconnu la musique de la télésérie Les Contes d'Avonlea, musique sur laquelle on entendait la journaliste Annette Bolduc en 1994 dresser le palmarès des cinq maisons les plus visitées en Amérique du Nord. De fait, la maison d'Anne serait maintenant sixième au palmarès selon nos dernières recherches. Pour nous raconter la petite histoire du célèbre roman de Lucy Maud Montgomery, Anne, la maison au pignon vert, l'historienne Evelyne Ferron. Evelyne, vous êtes radieuse si les gens vous voyaient, parce que vous êtes une fan finie, une ouais. passionnée du roman Anne, la maison au pignon vert, et plus largement de cette femme, de l'œuvre de Lucy Maud Montgomery. Oh, oui, en général. Pourquoi une telle fascination? Elle était ma première amie. Je pense que c'est peut-être ça pour beaucoup de jeunes filles aussi qui vivaient à la campagne. Donc, c'était pas évident d'aller voir des amis qui habitaient ne serait-ce qu'au village ou des choses comme ça. Donc, je vivais parmi les arbres, dans les champs et tout ça. Et quand on lit les romans de Lucy Maud Montgomery, quand on est enfant, on les lit pas de la même façon qu'adulte. Mm-hmm. Ça, c'est quand même une variante. Je dirais que les personnages de Anne, mais surtout d'Émilie, de Pat, qui sont des personnages aussi très centraux dans son œuvre, ont été faisaient écho à la petite fille que j'étais. Je me reconnaissais là-dedans. Et il y avait toute cette idée d'avoir le droit de rêver, même si j'étais une fille, mm-hmm. de pouvoir avoir une carrière en littérature ou en quelque chose. Et elle est peut-être, et je me rends compte en fait qu'elle n'est pas étrangère à ma passion pour l'histoire et au chemin que j'ai fini par prendre dans la vie. Donc, c'est une femme qui m'a donné le goût de voir la nature comme étant quelque chose de beau et qui m'a fait voir aussi à quel point j'étais chanceuse d'avoir des grands-parents et une famille qui correspondait beaucoup à ce qu'elle décrivait. Donc, c'était un peu comme une deuxième famille, puis c'était une façon pour moi de m'évader dans un univers qui n'était pas très étranger, oui. mais qui était confortable. Alors, ce livre-là, oui. qui vous a tant inspiré, lui et les autres qui suivront, oui. C'est le premier roman de Lucy Maud Montgomery. Oui. Il est publié en 1908. Elle a déjà écrit, mais c'est son premier roman, mm-hmm. Anne, la maison pignon vert. Racontez-nous la petite histoire du roman. Qu'est-ce qui lui donne l'idée? Comment arrive cette idée pour elle, ce goût d'écrire Anne, la maison pignon vert? Bien, Lucy Maud Montgomery a été une petite fille isolée aussi encore plus que j'irais bien d'autres qui ont vécu à la campagne, c'est une orpheline. Donc, elle vient quand même comme son personnage. Elle vient de grandes lignées écossaises quand même, les Montgomery, les McNeil, les Campbell. Mais son père, donc, et sa mère sont un couple qui est plus ou moins apprécié par les deux clans de la famille. Et Lucy Maud, lorsqu'elle a 21 mois, ben, la mère décède de tuberculose et le père ne veut pas s'occuper de sa fille. Il la laisse à ses grands-parents maternels. Et c'est comme ça que Lucy Maud Montgomery... tout ce qui va être dans ce roman-là de départ, c'est un peu elle. Mm-hmm. Elle son refuge, c'est l'écriture. Donc, elle va écrire beaucoup de poèmes. Elle aurait aimé être poète plus que romancière, je crois, à l'origine. Et c'est comme ça que à travers Anne, eh bien, son pays, ce qu'elle vit, dans le fond, pour aller à la petite école, le petit sentier dans la forêt, les bois hantés parce qu'ils sont un peu inquiétants, le chemin des amoureux. Donc, c'est le titre qu'elle se donnait elle-même à ce secteur-là. Et les pignons verts, donc, qui sont juste en contrebas de la maison de ses grands-parents, deviennent un peu le décor de ce premier roman qu'elle écrit, mm-hmm. qu'elle laisse sur la tablette. D'ailleurs, ouais. elle ne l'envoie pas aux éditeurs tout de suite. Elle ne l'aime pas tant que ça. Et à un moment donné, elle se dit, ah, ben, je l'essaie, je le réessaie. Elle subit des refus, mais là, ça y est, un éditeur accepte de la publier. Et 1908, c'est déjà le succès. Là. Lucie Maud Montgomery, instantané. La première année, c'est 7 éditions. On parle de 1908. C'est très rare au Canada d'arriver avec 7 éditions comme ça d'un mm-hmm. roman que... on en reparlera, a souvent été qualifié un peu de fleur bleue. Ouais. Et c'est 19 000 copies la première année seulement. En 1908. C'était exceptionnel. Et là, surpris, les gens étaient comme... Et elle ne prend pas un nom de plume masculin pour le faire. Ouais. Elle s'appelle Lucie Maud Montgomery. Et ça devient un succès canadien et international très rapide. Et ça va tellement bien marcher que son éditeur, d'ailleurs dans le contrat, je pense, celui qui finit par l'éditer, parce que comme vous le disiez, elle subit quelques refus, mais l'éditeur de Boston qui va dire oui, on y va, dit « je veux une série ». Oui, là, c'est entendu. Lorsque le succès est fait, elle est un peu coincée avec Anne. Elle va publier plusieurs tomes. Les premiers sont superbes. Les derniers, on sent qu'elle le fait plus... Pour respecter l'entente à un moment donné aussi parce que, bon, ses enfants vont avoir des problèmes financiers. Elle va vouloir garder un certain revenu parce que c'est sûr qu'elle va pouvoir vivre de sa plume, ce qui est très, très rare et qui est l'enjeu de beaucoup de ses personnages dans ses romans, de montrer qu'on peut peut-être à un moment donné rapporter de l'argent autrement que par l'agriculture ou par un métier de bras et arriver à avoir un revenu. Elle vit ça à travers Anne et la série qu'elle va produire. Et si c'est pas votre préféré, c'est intéressant. Oui. Vous l'avez un petit peu évoqué, mais c'est pas non plus Anne, la maison c'est vraiment son grand, grand succès à Lucy Maud Montgomery, mais c'est pas non plus son roman préféré à elle-même. Non, parce que probablement que, comme c'est son premier, elle lui trouvait des défauts aussi à Anne. Anne l'énervait à l'occasion aussi. Anne est un personnage qui est assez particulier, qui fait un peu écho à ses défauts à elle d'enfant. Hein. Donc, c'est le miroir, la rigidité de ses grands-parents. Il y a beaucoup de thèmes propres à son enfance qui lui sont reflétés dans ce roman-là. Moi, je dirais que Lucy Maud Montgomery a fait des choses qui sont magnifiques. Bon, les Emily, pour toute personne qui veut écrire, c'est souvent un coup de cœur, une influence. Pat de Silverbush, vraiment, tout simplement, magnifique. Elle a fait aussi un personnage masculin, un roman qui s'appelle Kilmeny du Vieux Verger, qui est un peut-être plus connu du côté anglo-saxon, mais qui est un grand classique aussi, qui est un roman pour adultes. Et elle a fait Les Vacances de Jeanne, le Château de mes rêves. Château de mes rêves qui est produit en pièces de théâtre un peu partout dans le monde, qui est un roman unique, adulte, avec des personnages adultes qui sont magnifiques, mais qui sont très peu connus, je dirais, au Québec en particulier. Ouais. On revient à Anne. Oui. Anne, maison Pignon Vert, qui aurait, dit-on, une parenté avec un autre roman, Rebecca of Sunnybrook Farm, de Kate Douglas Wiggin, paru quelques années avant Anne au Pignon Vert. Emprunt, inspiration, plagiat, coïncidence, il y a eu un petit débat là-dessus. Oui. La journaliste Solveig Miller présente justement le point de vue de l'anthropologue David House dans un reportage. C'est lui qui avait fait une étude littéraire comparée dans un reportage diffusé en 1999. Une vieille controverse refait surface. L'œuvre maîtresse de Lucy Maud Montgomery est-elle originale ou basée sur l'ouvrage américain Rebecca of Sunnybrook Farm, publié 5 ans plus tôt par Kate Douglas Wiggin? Il y a beaucoup de parallèles au niveau de structure et aussi dans la description des caractères. Ces accusations que des expressions sont pareilles d'un livre à l'autre, c'était des expressions très communes à cette époque. Un débat académique peut-être, mais surtout économique. Car après l'agriculture, c'est le tourisme qui remplit les coffres de la province avec un revenu annuel de 288 millions de dollars. Autre très important. Le professeur House n'accuse pas Lucy Maud Montgomery de plagiat, mais essaie plutôt de définir ce qu'est la culture canadienne. Ce qu'on trouve, ce qui est un constant dans la culture canadienne, c'est d'élaborer notre propre culture en opposition, mais aussi en rapport avec celui des Américains. Alors, il y a deux choses dans ce qu'on vient d'entendre, Évelyne Ferron. La ressemblance, on y reviendra dans un instant, de quel genre de ressemblance parle-t-on. Mais ce qui est intéressant aussi à la toute fin de l'extrait qu'on vient d'entendre, c'est quand cet anthropologue nous dit il y a chez les littéraires du Canada anglais à l'époque, cette volonté de décrire la société dans laquelle ils vivent. C'est ce que va faire Lucy Maud Montgomery. Un portrait de société qui va même, dans ce cas-là, parce que ça devient un immense succès, un classique de la littérature canadienne anglaise, qui va même participer à l'image qu'on se fait de nous-mêmes, qui va faire partie de notre identité nationale. Ça, c'est très, très présent dans ce roman. Oui, c'est, elle naît en 1874. Donc, Lucy Maud Montgomery arrive à une époque de changement pour l'Île-du-Prince-Édouard, mais pour le Canada aussi. Et ça, là, c'est partout dans ses romans. Donc, c'est la société canadienne. C'est une île d'ancêtres écossais, mais qui sont typiquement canadiens, avec une culture canadienne. On dépeint, bon, la maison, la vie des fermes, comment être un bon travailleur, c'est important. La rivalité presbytérienne baptiste, parce que ce sont vraiment les deux religions les plus importantes de l'île, c'est au cœur, souvent, des conflits entre les familles. Ah non, tu peux pas te tenir avec lui à l'école parce que c'est un presbytérien, ou elle, c'est une baptiste. Et là, il y a toujours cette espèce de rivalité qui était très présente. On connaît moins ça au Québec, on a nos propres rivalités, mais qui était très présente, justement, dans le monde du Canada anglais. Elle va montrer aussi cette espèce de résistance au changement des plus vieux. Donc, l'arrivée de l'électricité, à la nouvelle lune, on refuse en fait l'électricité. On préfère s'éclairer à la chandelle parce qu'on trouve que c'est plus doux. Les enfants disent « Ah, c'est correct, OK, vous avez acheté une machine pour traire les vaches. » Mais c'est tellement plus romantique et tellement plus agréable d'aller traire le lait soi-même. L'idée de prendre son temps versus, c'est fou, elle arrive toujours à montrer à quel point ce monde-là va vite. Versus ce temps qui était agréable lorsqu'elle était plus jeune. Et ça, c'est des thèmes qu'on va voir dans la littérature canadienne quand arrive le chemin de fer, quand arrive l'industrialisation et tout ça. Elle est vraiment au cœur de tout ça, mais sur une île qui est peut-être un petit peu moins urbaine que d'autres œuvres canadiennes, je dirais. Évelyne, sur cette controverse, sur cette ressemblance, on va, à un moment donné, on va dire non. Pas juste par fierté à l'Île-du-Prince-Édouard, là, il n'y a pas de plagiat, il y a juste une espèce de coïncidence liée à l'époque, probablement. Ben, à l'époque, oui, parce que, je veux dire, quand on pense aux années... Bon, Lucy Maud Montgomery publie ça en 1908, mais elle écrit ça à temps perdu au tournant du 20e siècle. Je veux dire, la vie agricole, c'est le monde agricole, c'est la vie familiale, l'importance des liens familiaux aussi, c'est l'importance de la nature. On est rythmé sur le rythme des saisons, on est rythmé par la nature, nos activités, notre façon de faire l'est aussi. Alors, Lucy Maud Montgomery dépeint son quotidien à elle, mais qui est le quotidien qu'on aurait pu trouver au Québec, qu'on aurait pu trouver n'importe où ailleurs. Dans les expressions qu'elle a pu emprunter, c'était des expressions anglophones, mais la poésie, la façon de décrire la nature de Lucy Maud Montgomery, lui, totalement unique. Et ça, il n'y a personne qui pourrait venir lui contester ça. Donc, l'idée d'un plagiat, moi, je réfute ça complètement. Ça a été beaucoup réfuté par les dernières études aussi. Le Lucy Maud Montgomery Institute à l'Île-du-Prince-Édouard a travaillé très fort pour montrer que non. Et c'est ça, quand on essaie de dépeindre un quotidien d'enfant au tournant du 20e siècle, c'est à peu près normal qu'il y ait des ressemblances parce que c'était pas si différent que ça partout au pays. Alors, Évelyne Ferron, on jase, mais... Qu'est-ce que ça raconte? On n'en a pas encore parlé. Qu'est-ce que ça raconte, l'histoire d'Anne, la maison Pignon Vert? L'histoire d'Anne, la maison Pignon Vert, c'est l'histoire d'une orpheline, donc Anne Shirley, qui est son prénom. Elle précise que c'est Anne avec un E, parce que c'est sûr qu'on est dans le monde anglais, puis elle trouve que c'est plus romantique quand ça finit avec un E, donc ça part déjà avec ça. Et c'est un roman qui commence dans le secteur de Cavendish. On est sur l'île du Prince-Édouard, sauf que c'est Avonlea qui est dans le roman, mais bon, Lucy Maud le situe vraiment là où elle est née, qui est Cavendish. Et vous avez Rachel Lynn, donc ces personnages secondaires qui sont tellement importants, qui est la voisine, qui s'occupe des cours de morale, qui a la réputation d'avoir fait 16 courtes pointes en quelques années, qu'elle donne à tout le monde qui s'occupe d'œuvres de charité, mais qui a toujours ce temps de s'asseoir dans sa chaise berçante à la fenêtre l'après-midi pour prendre le thé et voir tout ce que font ses voisins. Alors ça, c'est le départ. Elle voit son voisin Matthew Cuthbert qui habite les Pignons Verts avec sa sœur Marilla, parce que c'est un frère et une sœur. Et tout près de la maison d'Anne, il y avait un frère et une sœur aussi qui habitaient, qui ont été un peu l'inspiration. Et elle le voit partir avec un buggy neuf, celui qu'on met pour en ville, puis il est bien habillé alors qu'il devrait être en train de planter ses courges. C'est le départ. Donc, c'est le quotidien. Et elle se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et Rachel Lynn va voir Marilla Cuthbert et lui demande ce qui se passe. Elle lui dit, Matthew vieillit, on n'a pas d'enfant, on va adopter un orphelin pour la ferme. Alors, ce Matthew, qui est l'homme de ferme qui parle pas de ses émotions, qui est toujours un petit peu caché, fait ses affaires, va chercher cette petite fille-là qui est toute émerveillée. Petit orphelin, mais finalement, c'est une petite fille. Une petite fille. Et là, c'est une erreur. On a demandé à un garçon, il n'ose pas lui dire parce qu'il voit qu'elle est tellement contente qu'on l'adopte et tout ça, il l'amène avec lui. Elle voit donc ce paysage magnifique de la côte nord de l'île du Prince-Édouard qu'elle décrit avec des mots qui sont incroyable. Puis là, elle parle. Et là, Matthew Cuthbert, il est un peu impressionné. Puis il est séduit par cette vivacité qu'elle a. Elle est intelligente, elle est vive. Elle dit qu'elle aimerait mieux s'appeler Cordelia parce que c'est plus romantique. Et là, elle parle. Et là, elle voit des cerisiers en fleurs, des pommiers en fleurs. Puis là, elle va commencer à décrire le paysage. Et il la regarde, il sait juste pas quoi faire. Ouais. Et il amène ça à Marilla, qui est vraiment l'archétype parfait de la femme presbytérienne qui respecte vraiment le code religieux à la lettre, la femme de raison, la femme de ferme. C'est la femme qui fait tout quand les hommes travaillent. C'est elle qui produit la nourriture pour l'hiver. Elles font beaucoup de choses. Donc, c'est une femme sérieuse. On lui présente ça. Il lui dit en partant, comme le grand-père de Lucie Maud Montgomery peut être très raide, c'est pas une fille que je voulais, c'est un garçon. Et là, Anne, dans son hypersensibilité, s'effondre. Son monde est fini. Et c'est un peu comme ça que Marilla... C'est vraiment le début de Anne, va vouloir la rapporter. Et là, quand elle voit où on va peut-être l'envoyer chez une vieille femme encore plus sèche, avec plein d'enfants, dit que c'est une erreur et qu'elle était juste de dire qu'il y avait eu erreur, mais elle ramène Anne. Et elle décide que Anne va l'aider, elle. Et Matthew aura de l'aide à la ferme avec des employés. Et Anne devient, en quelque sorte, le deuxième pilier de la famille, avec une personnalité d'une petite fille avec une grand-mère qui va essayer de la dresser à sa façon. Et c'est ce portrait-là, c'est la vie d'Anne chez Ellie Cuthbert qu'on va lire dans ses pages. Voilà. Ça aura un succès, on l'a dit il y a quelques minutes, considérable. Pourquoi? Qu'est-ce qui plaît tant dans ce roman-là, Evelyne? La douceur. Je pense que ce que Lucie Maud Montgomery apporte dans la lecture, quand je vous parlais, dans mon cas, du confort, je pense que c'est ça. Pourtant, ce n'est pas toujours fleur bleue. Les débuts de ses romans sont souvent tragiques. Elle dépeint la mort d'une façon qui arrache le cœur, même adulte. Vous lirez mais la nouvelle lune, on s'en reparlera. Et elle arrive, par contre, à montrer que même si on a des personnalités bouillantes, même si un enfant a une personnalité bouillante, il a le droit d'exister. Ça, c'était peut-être la clé, un peu comme Mark Twain et Tom Sawyer, de faire parler l'enfant dans une société qui refusait qu'il existe. Et de dire que c'est correct d'avoir des sentiments, d'être un tempérament bouillant. Mais Marilla va toujours dire « Watch your temper, calme ton caractère, soigne un peu ta façon d'être. » Elle est là un peu pour corriger Anne. Et ce qui plaît, c'est que malgré le fait qu'on se corrige, qu'on fasse des erreurs, on se teint les cheveux verts parce qu'elle a les cheveux roux, elle se fait traiter de poil de carotte, elle achète une teinture, bon, elle vient des cheveux verts, elle fait plein d'erreurs dans sa vie. Et elle va avoir cette phrase qui peut-être est la clé. « Le lendemain est toujours frais. » Sans erreur. On peut recommencer à chaque matin, en fait. Et elle dit ça toujours à sa fenêtre. Donc, j'ai pas fait des belles choses aujourd'hui, mais demain matin, il n'y a plus d'erreur, je recommence à zéro. Alors, c'est l'idée, c'est une forme de bonheur du quotidien et de la lenteur aussi, et de la nature. Il y a tout ça. Quelque chose de très optimiste, de très positif, l'espoir, le courage, tant et si bien que ce livre-là va être distribué, puisqu'on parle de courage et d'espoir, aux soldats polonais pendant la Deuxième Guerre mondiale. Parce que ça apporte un confort, un réconfort. On y revient. Oui, c'est vraiment ce thème-là. Puis c'est pas vrai que c'est justement, et ça, je suis contente que vous l'apportiez, qu'on ait envoyé ça à des soldats. C'est pas de la littérature de filles. C'est pas de la littérature féminine. Parce que, je veux dire, les personnages masculins, ils sont très présents aussi et apportent aussi cette espèce de stabilité, de confort, de bonheur à la maison, fumant leur pipe et tout ça. Elles créent en fait un univers dans lequel on se reconnaît. Et ça, c'est magnifique. Rayonnement international, la Pologne, les soldats qui vont lire le cas du Japon. Le Japon. Non! Ça va être un véritable phénomène, Evelyne Ferron, au Japon, ce livre-là. On écoute un extrait d'un reportage, tenez-vous bien, de Jean-Albert Maire. On est en 1997, à propos de la vente de maisons inspirées. Des maisons, Anne, au pignon vert, qu'on vend, ils les achètent aux Japonais. Dans l'âme japonaise, l'histoire d'Anne au pignon vert occupe une place toute particulière, qu'elle partage sans doute avec une certaine nostalgie de leur enfance, alors qu'en classe, les Japonais étudiaient avec l'assiduité qui les caractérise l'histoire de cette jeune fille si différente. Many school girls who read Anne of Green Gables a few years later, they're the people who make the purchasing decision in the home. Aujourd'hui, dit cet homme d'affaires, les jeunes filles japonaises qui ont étudié l'histoire d'Anne sont devenues des femmes en âge d'acheter une maison et dont beaucoup voudraient et pourraient payer 400 000 $ pour vivre dans la maison d'Anne. Le verre des pignons sera reproduit fidèlement et les portes, les fenêtres et même les moulures seront fabriquées dans l'île. Anne, Anne, Anne, Anne, ton rêve au fond de toi, son trésor. J'ai rarement eu devant moi une invitée aussi enthousiaste. C'est une femme, je vous le disais au début de l'émission. L'extrait qu'on vient d'entendre, le reportage de Jean-Albert Maire, puis ensuite cette musique du dessin animé produit au Japon, qu'on a vu ici également. C'est vraiment la folie. Au Japon, le livre est inscrit au programme scolaire. Ils sont fous dans la maison Pignon Vert. Quand on regarde l'animation japonaise pour jeunes filles, quand on regarde aussi au Japon comment la nature, les cerisiers en fleurs, a toujours été présent dans leur culture, c'est pas si étonnant que ça de voir qu'ils se retrouvaient aussi dans la maison Pignon Vert. Du point de vue, c'est ça, de je dirais peut-être de l'environnement, mais la façon de faire l'agriculture, mm-hmm. par contre, le quotidien, la religion et tout ça, ça, c'était complètement... Dépaysement total. Oui, c'est ça. Ouais. Et c'était l'Amérique. Alors, à leurs yeux, c'était vraiment l'Amérique au tournant de l'époque industrielle. C'est pour ça qu'il est au programme scolaire, d'ailleurs, parce que c'est... on trouvait qu'elle arrivait à bien cerner une société à une époque en Amérique où tout était en train de changer. Donc, cette espèce de dualité entre la tradition et la modernité, mm-hmm. c'est un des thèmes les plus centraux de toute l'œuvre de Lucy Maud Montgomery. Ça va être un roman, un des grands, grands classiques de la littérature canadienne-anglaise. Et pourtant, il va être très longtemps boudé par les littéraires, par l'intelligentsia. Pourquoi? Dès 1926. Alors, Lucy Maud va écrire plein de romans jusque dans les années 30. Là, et elle va être boudée dès 1926. Au début, c'est Anne est encensée. Mark Twain lui écrit en disant, depuis Alice, c'est le plus beau... Il s'inclut, là. C'est le plus beau personnage d'enfant qui a été écrit. Il lui avait fait une publicité remarquable, d'ailleurs, en faisant ça, juste avant de mourir, en fait. Elle a un succès avec sa plume. Les Anne se vendent et les autres livres arrivent. Et là, les universitaires, c'est un monde d'hommes. Il n'y a pas de femmes là, dans les universités à ce moment-là, et en Ontario. Lucy Maud Montgomery. Oui, une des rares femmes à vivre de sa qui plume. Réussit, c'est ça. Et ces hommes-là qui doivent identifier les courants littéraires canadiens et tout ça, doivent la classifier, se font un plaisir de la classifier et elle va subir un snobisme parce qu'on va considérer qu'elle est fleur bleue. On va considérer que parce que justement, on parle de la nature, on parle du plaisir de faire de la confiture et comment ça sent bon quand on fait de la confiture, automatiquement, elle n'est pas une vraie... c'est pas vraiment une femme de littérature. Ouais. Elle est en littérature enfantine. Et c'est là, et on en subit encore les contre-coups aujourd'hui, que je voudrais dès les années 1926, 1930, même les années 50, malheureusement... Ses livres les moins connus, qui sont pour adultes, pourtant, sont même pas considérés, ont la classe en littérature enfantine. Et aujourd'hui, chercher des éditions dans la Maison Pignon Vert, ce sont les collections pour enfants qui la publient, des gros caractères. C'est jamais des belles éditions. Des éditions adultes, même en anglais, il y a eu un... Je dirais, on l'a snobé, Lucy Maud Montgomery, mais pourtant, elle vendait encore... elle est rendue à 50 millions de copies dans la Maison Pignon Vert aujourd'hui. Traduite en 20 langues. Là. Ça donne quand même une idée. Ouais. Il y a beaucoup de grands personnages politiques qui l'aimaient. Lord Earl Grey, le gouverneur général, adorait Anne. Mais pourtant, ça a tué peut-être d'une certaine façon la connaissance qu'on a de cette femme-là. Quand même, elle sera... elle finira par être... il y aura un courant qui voudra la réhabiliter. Mm-hmm. Ça arrive quand et qu'est-ce qui fait qu'on décide tout à coup qu'il y a quelque chose de valable? Il y a des gens qui commencent à l'étudier dans les années 70-80 et vont enfin publier ses journaux. Quand son fils va décéder, on va avoir le droit de publier les journaux intimes aussi de Lucy Maud Montgomery. Et là, on la redécouvre comme femme forte, mais aussi comme femme avec ses fragilités. Elle a souffert de dépression, Lucy Maud, dans sa vie à plusieurs moments. Et on découvre une femme qui s'est battue pour le droit des femmes de vivre d'un métier. Même si elle était femme de pasteur, elle était indépendante financièrement. Mmh. Et c'est ce qu'elle apportait même dans ses discours. Donc, on l'a réhabilitée pour montrer, relisez-la, là, adulte. Puis venez me dire si c'est si enfantin que ça. Et on réalise aujourd'hui que non. C'est confortable, mais les thèmes abordés sont souvent très drastiques et sont souvent très sombres aussi. Donc, c'est de la belle littérature. Évelyne Ferron, historienne, passionnée. L'avions-nous deviné dans la Maison Pignon Vert et de l'œuvre de Lucy Maud Montgomery. Merci beaucoup d'être passé nous voir à Aujourd'hui l'Histoire. Merci. Merci également à toute l'équipe d'Aujourd'hui l'Histoire, à la réalisation André Martineau, les recherchistes Caroline Morin et Marie Caillé, stagiaires à la recherche Caroline Desruisseaux, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Mathieu Arsenault, à la technique Michel Saint-Pierre. Si vous avez envie d'écouter ou de réécouter nos émissions, abonnez-vous à notre balado-diffusion sur iTunes ou rendez-vous sur les sites Internet d'Aujourd'hui l'Histoire. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante, histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp. À la prochaine.